Et qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous êtes là? Pour me voir uniquement. Me voir en grand sur le Panthéon de mon vivant. Ma mère m'a dit, Charlotte, tu seras sur le Panthéon de ton vivant. C'est extraordinaire.